roué de coups de matin et on m'attachait sur une planche pour la nuit. Mais en janvier, je pouvais marcher, un peu. Et en février, on autorisa les visites. J'en reçus des centaines, tous ceux que je connaissais à Londres. Et ceux que je ne connaissais pas. L'un d'entre eux, l'honorable Georges Cornwallis-West, vint chaque jour, remplissant ma chambre de rires et de roses. Monsieur Shaw ne tarda pas à remarquer ces visites et à se conduire très bizarrement. Est-ce possible? Mon petit doigt m'informe que vous me délaissez parce que vous aspirez à devenir baronne. Ai-je reçu mes 8 jours? Dois-je ne plus écrire le poème? J'avoue le reste, ne pas trouver d'autre rime pour Stella que Tombola et Fiel pour Madame Campbell. Et bien que je trouve Georges sympathique, je constate qu'il est jeune et que je suis vieux. Donc, conseillez-lui d'attendre que je ne veuille plus de vous. Ne vous agitez pas, très cher clown. Aussi dur que cela soit pour vous, ce n'est rien comparé à l'humiliation que j'éprouve devant Charlotte tant que je n'ai pas de mari. Il n'y a rien que vous puissiez faire. Mais Georges, lui, peut beaucoup. Alors, de grâce. Je viens d'apprendre la maladie de votre chère mère. Je me souviens de vous avoir entendu dire « C'est à elle que je dois mon esprit et ma personnalité, ce qui prouve sa valeur. » Je sais que vous l'aimez, passionnément. Si elle nous quitte, elle laissera un vide immense. Maman, ouais. Elle a trouvé le moyen de percer une dent de sagesse à 80 ans. Et il paraît que maintenant, c'est la fin. Oh, le monde est en train de changer à son désavantage. GBS. J'apprends à l'instant la triste nouvelle qu'elle repose en paix. Ma mère n'aimait que Dante, et son âme avait la beauté pour enveloppe. Quand vous le pourrez, donnez-moi de vos nouvelles. 22 février 1913. Quelle journée. Il faut que je vous la raconte. Car vous savez ce que c'est que de ne pas haïr sa mère. Et même d'aimer ses enfants. Que vous soyez une paysanne italienne. Ou une surfemme. Je n'en sais rien encore. Mais je sais que votre mère n'était pas votre ennemie. Pourquoi faut-il que des funérailles excitent notre sens de l'humour? Celles-ci furent une réussite complète, pas d'horrible mise en scène, pas de pleureuse en noir. Personne n'était au courant, sauf moi, Graville Barker et l'entrepreneur des pompes funèbres. Comme il m'était impossible d'avoir un cortège splendide avec gerbes de fleurs et musique triomphale, mieux valait s'en tenir à nous trois. J'insiste sur la présence de l'entrepreneur, car c'est avec lui que tout débuta. Je me rendis au crématorium avec Barker. Nous fûmes bientôt rejoints par l'entrepreneur, qui était venu au pas avec son corbillard, malgré le froid. Alors que maman aurait préféré de beaucoup un petit trop bien vif. L'entrepreneur s'approcha de moi comme anéanti par mon deuil. Et moi, solide comme un roc, et de morale parfaite, car les souvenirs de ma mère me rendaient joyeux, j'essayais de lui faire comprendre que son attitude professionnelle était tout à fait inutile. Eh bien, figurez-vous que ce n'était pas du tout une attitude. Voilà des années qu'il lui rendait toutes sortes de petits services. Et sa mort le rendait réellement triste. Et le cercueil n'était pas recouvert d'un drap noir, mais d'un drap mauve. Il me faudrait réécrire ce service des morts. Il y a là-dedans des choses plus mortes que ceux auxquels il s'adresse. Bien que malgré ses défauts, il reste un des plus beaux textes qui soit. Le pasteur n'a pas bafouillé, selon l'usage, avec pour toute assistance Barker et moi-même. Et maman, il l'a lu avec beaucoup d'émotions vraies. Au passage, et la terre retournera à la terre, les cendres au sang, la poussière à la poussière. Il y a eu un petit changement de texte pour cadrer avec les circonstances. Une porte s'ouvrit dans le mur. Par où disparut le cercueil mauve. Les ignorants croient que cette petite porte est celle du crématoire. Erreur ! Je suis allé en coulisses après le spectacle et j'ai vu ce qui se passe vraiment. Les gens craignent de le voir, c'est pourtant extraordinaire. J'ai trouvé là le cercueil mauve devant une autre porte. Une vraie porte de four, celle-là, pas moyen de s'y tromper. Une fois cette porte ouverte, on découvre une petite chambre de briques blanchie à la chaux. Pas de chaleur et le silence, pas de plainte mystérieuse, pas de flamme ni de combustible, un modèle d'hygiène, de propreté, de fraîcheur ensoleillée, on aurait pu y entrer ou y mettre la main sans méfiance. Puis le cercueil mauve s'avança de nouveau et y pénétra, les pieds devant. Alors, là, les pieds éclatèrent par miracle en belles oriflammes écarlates, sans fumée, mais aussi ardentes que les langues de la Pentecôte. Et tandis que le reste du cercueil s'engouffrait, les oriflammes l'enveloppèrent tout entier de leur gloire. Et maman devint ce feu magnifique. La porte se ferma. Ils nous dirent que si nous voulions voir la fin, nous devions revenir dans une heure et demie. Je me souvins de la petite silhouette exsangue, avec son beau visage. Et je me dis à moi-même, pourquoi attendre autant? Elle était si petite. Et nous partîmes. Quand nous revînmes, la fin était d'un comique achevé. Maman l'aurait trouvée bien bonne. Par une ouverture dans le sol, nous découvrîmes une spacieuse cuisine avec une grande table de ciment et deux cuisiniers s'affairant autour. Ils avaient de petites fourches à la main et s'occupaient adroitement de retirer les clous du cercueil du petit tas de cendres bien propre. Et maman était à côté de moi. Estordait de rire. Puis, ils la balayèrent dans un tamis et la firent sortir de l'autre côté, de sorte qu'ils éjectèrent un petit tas de poussière d'un côté et un petit tas d'osselets de l'autre. Et maman me chuchotait à l'oreille, « Lequel des deux tas suis-je ? » Je voudrais bien le savoir. Et cet épisode joyeux fut le dernier acte. Si ce n'est qu'il faudrait encore mettre en poussière le petit tas de sleigh. Et le répandre au pied d'un massif de chrysanthèmes. Oh, tombe, où est ta victoire? Bonsoir, ami, qui comprenait ce qu'est une mère, et bien d'autres choses encore. Bonsoir. J'y ai beaucoup pensé, je sais maintenant que j'aime les choses simples. L'amour, la jeunesse, la foi. Et aussi les acrobates qui traversent la mort sur un fil. Comme vous, mon clown, très, très, très cher. Et puis, tout à coup, les médecins qui me soignaient me déclarèrent guéri. Et Pygmalion fut annoncé pour avril 1914. Il fallait m'éloigner de Londres pour étudier mon rôle. Mais j'avais oublié dans mon programme le visiteur de chaque jour, George Cornwallis West. Dans un moment de légèreté, je lui dis qu'il pouvait m'accompagner à Brighton. Mais que faire du clown? Je lui écrivis: « Cher Joé, vous avez été un ange de bonté et de compassion à la clinique hier, et je suis sûre que sans vous, j'aurais eu beaucoup plus mal. Ah, à propos, je vais à Brighton demain pour quelques jours. Vous savez que je dois être seule au bord de la mer. Ah, sinon, que deviendrait mon équilibre et notre petite clocharde? Je dois partir seule. C'est bien compris? Mon cher cœur, la solitude est merveilleuse, mais pas quand on est seul. Êtes-vous très abattu après la douleur? Si j'étais avec vous, je la combattrais. Je vous cacherais dans mes bras et je vous dirais beaucoup de choses, toutes vraies, pour vous la faire oublier. La solitude. Et quand je suis seul, vous êtes toujours avec moi. Quand vous serez seul au bord de la mer, où serai-je? Puis-je venir? Oh, quand vous êtes tendre, un vol de chérubin s'échappe de sous vos ailes démoniaques. Ça devient difficile pour moi de ne pas vous aimer plus qu'il ne faut. Offensez-moi vite pour me ramener à la raison. Mais ne venez pas ici. À la mer, je dois être seule. Comment pouvais-je rester à Londres maintenant qu'elle était redevenue elle-même? Je fis mes bagages, attrapai le premier train pour Brighton, et au début de l'après-midi, je me retrouvais courant le long des dunes vers son hôtel, chantant tout le long de ma route. Il grimpait les escaliers 4 à 4 au moment où je descendais seul dans le hall. Joé! Stella! Stella, Stella Rouge! Joé! Mais que faites-vous ici? N'avez-vous pas reçu ma lettre? Je vous en prie, retournez à Londres immédiatement. Immédiatement! Très bien. Si vous ne partez pas, c'est moi qui partirai. Enfin, l'un de nous doit se comporter avec élégance. Joé, de grâce. Non, mais il ne voulait pas partir. Je le vis encore une fois ce soir-là, au souper, sans Georges, bien entendu. Et à 11h, comme je tombais de fatigue, pour le forcer à rentrer à son hôtel, j'acceptais d'aller me baigner très tôt avec lui le lendemain matin. C'était une ruse. Quand il se montra, prêt à piquer une tête dans l'eau, nous avions déjà pris la route, laissant un mot à la femme de chambre. Quand vous lirez cette lettre, je serai loin. Adieu. C'est vous qui auriez dû partir. Vous étiez plus apte que moi à voyager. Stella. Très bien. Partez. La perte d'une femme n'est pas la fin du monde. Le soleil brille. Je nage. Le travail existe. Mon âme se contente d'elle-même. Mais je suis profondément blessé. Vous n'avez aucun caractère, vous n'avez pas de tête. Il n'y a rien de vrai dans notre amitié. Vous rêviez de vivre. Et quand on vous offre la vie, vous prenez la fuite. Partez. Le souffle que je dégage brûle vos faibles poumons. Cherchez donc une petite brise qui vous convienne. Mais vous avez blessé ma vanité. Voilà. Le crime impardonnable. Ne vous importe. Rien ne vous importe. Vous ne vous souciez pas plus de Georges, du reste. Non. Quoi que vous puissiez penser, vous n'épouserez pas Georges. À la dernière minute, vous prendrez la fuite. Ou vous serez refaite par une femme plus adroite. Même si j'avais été secrètement gavé de notre aventure, je serais resté dans la tempête plutôt que de vous abandonner. Que savez-vous de toutes ces choses? Vous arracheriez les cordes de la harpe d'un archange pour ficeler vos paquets. Cessez! Cessez! En ma vague. Vous m'avez perdu, parce que vous ne m'avez jamais trouvé. Mais pouvez-vous imaginer qu'il existe au monde quelqu'un d'autre que vous-même? Mais vous m'aviez promis. Que vouliez-vous? Des huîtres et du champagne? En tout cas, j'ai retiré quelque chose de ce voyage. J'ai déjà écrit la pièce. Acte premier. Stella dit, baignons-nous avant le petit déjeuner à 8h-15. Et Georges Bernard Shaw dit, non, à 8h. C'est trop tard. Je préfère 8h-15. Je vous en prie, pas avant 8h. Rideau de l'acte 1. Acte 2. Joe et le clown arrivent sur la plage en maillot de bain. Une femme de chambre souriante vient à sa rencontre. Ils sont partis, monsieur. Comment? Aujourd'hui? Ah, je croyais que c'était demain. Quelle voix charmante. Et quel bon sourire, ce bonhomme. Il s'en fout. Rideau. S'en fout pas. Pourquoi êtes-vous parti? Ma blessure est incurable. Mais vous ne vous rappelez pas? Quand le maître d'hôtel a apporté la bière, il a dit, puisque vous avez déjà payé la note, ce sera juste un shilling pour la bière. Ben, je pensais que vous devineriez, puisqu'il a dit que j'avais déjà payé la note. Oui, mais vous somnoliez. Eh bien, je vous dois un shilling. Un shilling, c'est pas... Bon, enfin, pourquoi continuez-vous à me torturer? Parce que je ne suis pas la femme que vous auriez voulu que je sois. Pensez-vous qu'il ne m'en ait pas coûté de vous faire de la peine? À vous, mon ami? Oh, cher clown, je vous en conjure, n'ayez plus de peine. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. December 1913. Que la nouvelle année vous fasse jongler avec la lune et les étoiles, et que la terre reste à vos genoux. La veille du jour de l'an. Oh, nuit, entre toutes les nuits de l'année. Vous souvenez-vous du réveillon de l'année dernière? Je vous le demande sincèrement. Vous en souvenez-vous? Vous ne vous souvenez que d'avoir été malade. Moi, je m'en souviens. Cela me déchire encore. Je crois que nous allions bien, tous les deux, à ce moment-là. Et que depuis, nous n'avons cessé d'être malades. Ce soir-là, et tous ceux qui l'ont précédé, il y avait l'éternité et la beauté, une douceur harmonieuse et sans borne. J'y pense avec désespoir, car vous avez éveillé la tragédie qui dormait en moi. Et si votre rôle dans tout ceci n'était que songe, alors je suis aussi seul que Dieu lui-même. C'est pourquoi vous devez demeurer pour moi la mère des anges et revêtir encore de temps en temps votre divinité et siéger avec moi dans les cieux. Car ceci, même si nous prétendons le contraire, est la seule chose pourquoi nous soyons faits l'un et l'autre. N'oubliez jamais, je vous demeure profondément fidèle dans un domaine où je vous demande de l'être. Et je vous pardonnerai, même si vous me trahissez dans tout le reste, Je vous pardonnerai, je vous bénirai, je vous honorerai. Et je vous adorerai. Ton nom est Stella, et sur cette stèle, je bâtirai mon église. Écoutons de nouveau les cloches. Vous, sur votre trône, avec votre manteau bleu, et moi, veillant et priant, non pas à genoux, mais de toute ma taille. Pour vous, je porterai la tête haute et dressée vers le ciel. Oh, mon clown. Si je pouvais écrire des lettres comme les vôtres, j'écrirais des lettres à Dieu. Pygmalion était proche. Après tous ces palabres et cette attente, nous commençâmes à répéter à la mi-février 1914 avec Madame Patrick Campbell dans le rôle d'Elisa et l'un des meilleurs acteurs d'Angleterre, Sir Herbert Tree, le rôle de Higgins. La bataille était engagée et n'était plus question de revenir en arrière. Nous y voilà. Je serai aussi obéissante qu'une souris. Je me demande si vous obtiendrez de moi tout ce que vous voulez. J'ai un peu peur. Et en vérité, nous avions toutes les raisons du monde de connaître la crainte. Stella, à l'âge de 49 ans, devait jouer le rôle d'une fille de moins de 20 ans et prendre l'accent faubourien. Le gros travail commençait. Après la première lecture, nous commençâmes à répéter scène par scène. Comme vous savez, Stella... Stella! Oh, une souris obéissante. Comme vous savez, la pièce débute sous les arcades de Covent Garden. Plusieurs personnes s'y abritent, attendant leur voiture après le spectacle. Parmi elles, le renommé professeur Henry Higgins, la plus haute autorité mondiale en phonétique. Et maintenant, dans le brouhaha général, nous percevons votre voix, Stella. Au fur et à mesure que s'approche, émergeant de la nuit pluvieuse, une fille en loque, avachie, Elisa Doolittle. Ah, c'est dans le flamme pour faire! Ah, c'est dans le flamme pour faire! L'attention de Higgins est fouettée, il sort un crayon. Des violettes, des violettes! Qui c'est qui veut mes jolies violettes? Vous laissez tomber un bouquet dans la boue. Et en le voyant invendable, vous pleurez. Oh! A-E-I-O-U. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire A-E-I-O-U. Prononcé grassement, pas autre chose. Une fille des rues qui pleure. Faites-le moi, je ne comprends pas. Higgins écrit frénétiquement. Quel timbre délicieux. Ben quoi, qu'est-ce qui vous prend? Je ne prends feuille, c'est vrai, quoi? Je n'ai pas fait de mal? Non, Stella, non. J'ai pas fait de mal, non. Dites-le comme si vous parliez à un policier, pas un docteur. Essayez encore. J'ai pas fait de mal? Ah, c'est mieux. Oui, de toute façon, cet accent me fera mourir. Vous en avez fait une clocharde uniquement pour me torturer, ça j'en suis sûr. Stella. Ah, c'est donc de faire une profile, des violettes, Qui c'est qui veut mes jolies violettes? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh mange une brafeuille, c'est vrai, quoi. J'ai pas fait de mal. Femme, cessez sur le champ ce détestable borborie. Ou bien chercher refuge ailleurs. Mais j'ai le droit d'être tout comme vous si ça me chante. Une femme qui aimait des sons pareils n'a le droit d'être nulle part. Elle n'a même pas le droit de vivre. Oui. Tâchez de vous souvenir que vous êtes un être humain doté d'une âme et du don divin de la parole articulée et que votre langue maternelle est celle de Shakespeare. Et ne restez pas là à roucouler comme un pigeon neurasthénique. Vous voyez cette créature avec son anglais de trottoir? Eh bien, cher monsieur, en 6 mois, je me vante de faire prendre cette fille pour une duchesse à la garden party d'une ambassade. Quoi, c'est que vous dites? Oui, vieille feuille de chou. Vous incarnez l'insulte faite à la langue anglaise. Mmh. Eh bien, je me charge de vous faire passer pour la reine de Saba. Ah ouais? Eh bien, celle-là, dans un mois ou deux, vous y serez. Je ne vois pas pourquoi c'est tellement difficile pour vous d'être vulgaire. Parfait. Nous n'en sommes qu'au 4e jour et vous m'avez déjà fait perdre tous mes moyens. Oh, je sais. Je sais que vous essayez de changer le plomb-ville en or pur. Je suis navrée d'être aussi maladroite, mais vous reconnaîtrez que dans la scène du thé, Elisa est quand même un peu plus femme du monde que vous ne voulez l'admettre. Mais parfaitement. Mon personnage est à moitié femme du monde et à moitié souillon. Mais vous essayez de ressembler à une souillon en jouant les femmes du monde. Ça va pas du tout. Et pourquoi, s'il vous plaît, ce nouveau truc que vous avez inventé? Truc? Quel truc? Tournez le dos à votre partenaire à tout bout de champ. Mon partenaire prend des temps interminables entre chaque réplique. Ma figure se paralyse en essayant de les meubler avec des grimaces intelligentes. C'est pour ça que je tourne le dos. J'attends que ma figure se mette en place. La scène du thé me donne encore quelques inquiétudes. Je viendrai chez vous ce soir et nous répéterons. Vous en faites trop un sketch de musical. Mais vous l'avez.